Chapitre 3. La gloire n'est pas un halo. Revenons à la question centrale qui a ouvert ce débat. Certaines conceptions pastorales affirment que les musiciens qui demandent à être payés agissent contre la gloire de Dieu. Pour évaluer cette affirmation, il faut absolument définir ce mot. Et pour le définir correctement, il faut retourner au terme original. Kabat, la pesanteur comme principe ontologique. Le mot hébreu traduit par gloire est kabod. Il dérive de la racine verbale kabad, dont le sens premier est strictement physique, être lourd, être pesant, avoir une densité substantielle. Les linguistes sémitiques notent que la racine est étymologiquement liée au foie, l'organe le plus lourd du corps humain. Par extension sociologique, une personne qui a du kabod est une personne qui pèse dans sa société. Mais avant même d'être social, ce poids est ontologique et spirituel. Il désigne la substance même de l'être, sa densité propre, ce qui fait qu'une réalité existe avec consistance plutôt que de n'être qu'une apparence. Le kabod est ce qui rend une chose réelle, présente, incontournable. C'est la qualité de l'être qui s'impose à la matière, non par domination mais par densité intrinsèque. Quand Dieu manifeste son kabod au Sinaï ou dans le tabernacle, ce n'est pas une gloire sociale ou un prestige institutionnel. C'est une présence si réelle, si substantiellement chargée, qu'elle pèse physiquement, qu'elle contraint le corps, qu'elle envahit l'espace. Le poids se mesure certes en richesse matérielle, en influence concrète, en réputation construite sur des actes réels. Mais ces manifestations sociales ne sont que des effets d'un principe plus profond. La gloire biblique n'est pas un halo lumineux abstrait, une auréole mystique ou un prestige éthéré. C'est la substance même, la densité vérifiable d'une existence. Doxa, l'éclat qui remplace le poids. Lorsque les traducteurs de la Septante ont cherché un équivalent grec pour kabod, ils ont choisi doxa. Ce mot signifiait à l'origine opinion, réputation, puis par extension éclat visible ou splendeur. Le passage de kabod à doxa représente un basculement majeur. On passe du poids matériel à l'éclat immatériel, de la densité substantielle à la réputation subjective. La gloire est devenue une expérience esthétique là où elle était un fait de poids. Rendre gloire, kabed, le verbe de l'honneur concret. La forme intensive de kabad est kabed. C'est le verbe que la Torah utilise dans le commandement « Honore ton père et ta mère » Exode 20:12. Ce commandement n'était pas une invitation à complimenter ses parents. Dans la compréhension hébraïque, il impliquait de prendre en charge leurs besoins matériels dans leurs vieux jours, les nourrir, les loger, assurer leur vie concrète. Honorer quelqu'un, c'est supporter son poids réel. Faire quelque chose pour la gloire de Dieu signifie donc déployer dans cet acte une densité réelle, maîtrise professionnelle, excellence technique, rigueur qui pèse. Cette densité, qu'elle s'exprime dans l'ingénierie du son, la maîtrise d'un instrument, la composition musicale, a un coût en temps, en formation, en énergie physique. Nier ce coût, c'est précisément nier le kabod. Leçon 3. La gloire kabod est un poids, une densité. Ce n'est pas une lumière immatérielle. Faire quelque chose pour la gloire de Dieu signifie y mettre une excellence réelle, concrète, qui a un coût. Ce coût doit être assumé par celui qui en bénéficie. Réclamer la densité technique d'un travail sans vouloir en payer le prix, ni la définition même de la gloire.